Ils disent tous ce mec est chelou. Désolé, sorry, à la recherche de ma dimension. Comme Queen Mallory, je t'explique, ça devient fat quand le 101.10 réplique. À frapper de nos lexiques, le beat devient calorique. Mes mots pour le moment enrichissent l'armada. Car côté Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, nada. J'ai juste ma clique de Vada, Bac et son katana. Et toute une ribambelle de Johnny et de Santana. Ma force jaillit la haine, pas besoin de stéroïdes. Ma plume greffée dans une main, génération lyricistoïde. Bizarroïde, c'est ce que je tente de t'expliquer. De Saint-Sever jusqu'à Tarnétal, les murs de ma ville sont piqués. Mais quel est leur but? Un coup de boot force et les portes. Captain Smoke, on téléporte 111 personnes en escorte. J'ai souvent rêvé d'avoir les bottes de 7 lieux. De bondir tellement que je pourrais en checker les cieux. Mais c'est pas le cas, ici bas c'est Sky et Vodka. Rares sont les détenteurs de la recette anti-tracas. Ma tristesse est sur feuille, je peux plus fermer mon placard. Je me dis que je dois être dépressif depuis l'âge du 4 quarts. Trop temps cool, ivre de ce son qui me saoule. Ma mélancolie rappe avec dans ma gorge une boule. Quoi de neuf sur ma planète Terre? J'essaie de définir le crew qui pose sa livre jusqu'à ne plus en finir. Freestyle tendu, hein. Mais qu'est-ce t'en dis? Mais qu'est-ce t'en dis, hein? Freestyle tendu, tant attendu comme un putain d'arrêt maladie. Ouais, yo, les ZERPAL guys et les autres. 110 gars.